Brigitte Armaz de Camille Collet. 36e épisode. Larguez les amarres. Allô, Brigitte, tu peux passer me voir 2 secondes? Ah, salut Jean-Paul. Non, désolé, je viens de partir du bureau, là. Déjà? Dis donc, 19h le vendredi, il n'y a plus personne? Heureusement que je suis là pour tenir la boutique, hein. Parce que toute l'agence est passée à l'heure d'été. Ouais, enfin, si on veut, parce que... Non, mais t'as raison, ma grande, faut savoir débrancher de temps en temps. Moi, c'est pas pareil, c'est ma boîte. Ben, hein. Forcément. Qui dit patron, dit toujours sur le pont. C'est sûr. Écoute, en fait, je suis en train de faire les courses, donc est-ce qu'il y a une urgence? Ben, non, rien d'urgentissime. J'étais avec Étienne, on réfléchissait au nouveau catalogue. Oui. On pense qu'il faudrait creuser cette idée du cadre en burn-out. Hein? À mon avis, c'est porteur. Il y a vraiment du business à faire sur le type sous pression toute l'année, tu vois, son boss qui l'emmerde, qui lui tombe sur le rable à toute heure du jour et de la nuit. Mmh. Enfin, tu visualises le tableau? Ouais, assez bien, ouais. Je crois qu'on devrait axer toute notre nouvelle gamme sur ce thème-là. Hein. Un truc du genre, une fois par an, couper les ponts, ou larguer les amarres, ou se payer le luxe de débrancher. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me parle. Bon, super. Je te laisse y réfléchir ce week-end. Hein. On en discute tranquillement la semaine prochaine. Ah non, mais Jean-Paul, c'est-à-dire que là, en fait, je pars en vacances. Non. En vacances? Bah oui, en vacances. Ah bah zut, comment ça se fait? C'est pas pratique, ça. Mais tu seras là lundi, quand même. Bah non, c'est un peu le concept des vacances. Sinon, ça s'appelle un week-end. Non. Bah ça me prend un peu au dépourvu, ça. Je m'attendais pas à un coup pareil, mais tu pars pas longtemps, de toute façon. 3 semaines? 3 semaines? En plein mois d'août? Ah bah merde, c'est pas banal, ça. Mais j'avais pas réalisé. Non, mais t'inquiète pas, Jean-Paul, je serai joignable. Hein, Bon, ouais, tu me rassures. Hein. Je t'appelle lundi, alors. Ok. Puis on fait le point sur tout ça. D'accord, okay. D'accord. Allez, amuse-toi bien, ma grande. Ouais, merci. En fait, le concept de vacances, ça échappe complètement à Jean-Paul. Mais pour moi, c'est sacré. C'est un moment où on s'arrache du quotidien. Partir en vacances, c'est retrouver la légèreté. 3 heures que je charge cette bagnole, maintenant c'est le coffre de toit qui ferme plus. Ça va tomber. Bon, hé, oh, les gosses, là, vous sortez de mes pattes, là. Allez, Octave Léonard, zou, vous agacez papa, là. Non, mais Brigitte, t'as vu le nombre de sacs, là? Qu'est-ce que t'as dedans, là? Ah, ah, mystère. C'est un secret réservé aux privilégiés qui font les valises. De savoir ce qu'il y a dedans, tu vois ce que je dis. Tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît? Attends, faut juste que je réponde à un mail. Ça peut pas attendre ton mail. Non, c'est Jean-Paul, ça fait 10 messages qu'il m'envoie depuis ce matin. Oui, bah là on est en vacances, donc le Jean-Paul, il n'y a pas urgence. Hein. Tu peux m'aider s'il te plaît? Oui, 2 secondes, Paul. Non, mais j'y crois pas là, on avait dit qu'on partait à 8h, il est midi, on est toujours à l'arrêt, tu fais tes mails, on va se cogner les bouchons là, on n'est pas arrivé. Oh, hein. Mais ça va, c'est pas un mail qui nous met dans les choux niveau timing, je m'excuse. Mais c'est pas le problème. Tu sais qu'il y a des stages pour les cadres qui arrivent pas à décrocher. Donc soit t'es en vacances avec nous, soit t'es au boulot, faut choisir, Brigitte. Non, mais pitié, arrête avec ça, hein. T'es mal placé. Ah, attends, c'est un SMS, 2 secondes. Ah bah c'est Benoît. On peut voir ça une fois parti. On vous rejoint demain la journée noire sur les routes. Ah bah tu m'étonnes. Comment ça demain? Oh bah alors lui il est à la cool lui. Hein. Il croit que ça nous fait pas chier nous les bouchons. Hein. Hyper collectif comme attitude. On loue une baraque ensemble et c'est toujours les mêmes blaireaux qui récupèrent les clés. Typique de ton frère, donc genre perso. Oh mais ça va, commence pas Paul. Ouais, et puis alors bien joué aussi pour zapper le plein de courses à l'arrivée. Hein. Dans la famille Pigeon j'ai demandé les tornades. Bon tu peux m'aider là s'il te plaît? Bah oui, minute, je vais répondre. Mais tu lui répondras plus tard, ça me tue ça. C'est vraiment une drogue ces saloperies de téléphone. Hein. Allez. Allez, à 3, tu te raccroches au moment présent, Brigitte, s'il te plaît. Hein, voilà, tout en douceur, tu quittes les réseaux sociaux, les SMS, les mails, les appels de Jean-Paul, et 1, et 2, et 3. Bienvenue parmi nous, Brigitte Tornade. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à charger la voiture? Bah, tu vois, le temps que tu brailles, j'ai déjà répondu. Alors, c'est quoi ton problème de sac? Mais tiens, t'as vu comment tu les empiles? Ah, attends, Benoît le retour. Vous passez par où? Bah, par où on passe? Bah, la 10, par où il veut qu'on passe, là. Qu'est-ce que ça peut lui faire? De toute façon, il part demain. Franchement, il s'emmerde ou quoi pour poser ce genre de questions? La 10. Voilà, c'est parti. Tu connais Benoît, les itinéraires, ça le passionne. Ah, attends, nouveau message. Mais lâche ce truc! Déconnecte-toi! Il demande pourquoi la 10? Mais quoi, il veut pas qu'on prenne les nationales non plus. La 10, parce que pour la Bretagne jusqu'à nouvel ordre, c'est par la 10 le plus court. Tu peux prendre ce sac là, on peut charger la voiture, y aller. Tu rigoles là? Quoi? Mais on part pas du tout en Bretagne, Paul. On a loué en Champagne. En Champagne? Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis quand? Mais depuis 2 mois, tout le monde a trouvé que c'était trop cher la Bretagne! Sans déconner. Non mais la vie de famille, ça te concerne des fois? Alors toi, dans le genre, t'es connecté, mais ça fait peur, hein? Mais d'abord, je suis pas sûr que tu me l'aies dit. Mais 15 fois, je te l'ai dit. Mais t'avais pas l'air hyper à fond sur le sujet, hein? Bah, tu t'occupes jamais de rien? Non, alors, mais c'est pas vrai d'abord. Et puis, faut dire aussi que tu me balances toujours 1 milliard d'infos en même temps qu'on fait autre chose. Et après, tu fais une crise quand j'en zappe une. Alors voilà, ça a dû passer à la trappe. Bah, y a pas mort d'homme, hein, non plus, on n'est pas parti. Ouais, enfin, celle-là, elle est énorme quand même. Mais il faut faire quoi pour que t'imprimes ce qu'on te dit? Eh ben, je sais pas. Pour les trucs importants, t'as qu'à m'envoyer un mail. Comme ça, je garde une trace écrite. Hein. Ça aide. Ah. Eh ben voilà. En fait, Paul, en vacances, il rompt pas avec le quotidien. Il le découvre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, des fois, je l'envie. C'était La vie trépidante de Brigitte Dornade, de Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Choira, Gilles Privat, Samuel et Anna Cajman, Ernest Collère. Sophie Bissant, conseillère littéraire. Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage. Olivier Dupré, Émilie Couette, assistante à la réalisation. Alice Cachaner, réalisation. Cédric Ossier.